au Japon est constitué le comité préparatoire du département d'Okunma pour célébrer le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung et le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Le comité a décidé d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles à ces occasions. Par ailleurs, est constitué le comité préparatoire de la préfecture de Gyeongtaek pour célébrer le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung.